C'était une fée qui a dû se manger trop de mandales. Mais elle a compris que les melons c'était tous des grosses médailles. Mi-pute, mi-soumis, c'était